Je vous propose maintenant, à l'occasion des 30 ans de mai 68, cette rétrospective des événements dans leur globalité du vendredi 3 mai, date des premières échauffourées, à l'évacuation de la Sorbonne et du Panthéon à la mi-juin. L'agitation en milieu universitaire, vous le savez, avait commencé en mars à Nanterre, mais c'est réellement le 3 mai que démarre le mouvement. 180 voitures gisant sur la chaussée. Moi, je suis déjà prof à l'époque. Camille est encore étudiante à ce moment-là, parce qu'elle termine sa licence d'histoire. Elle est à Toulouse. Et il faut se souvenir qu'en 68, au mois de mai, il se passe quand même des événements pas négligeables. Hein, avec de grosses manifestations étudiantes. Quelque chose qui est une espèce de presque révolution. En tout cas, sur le plan culturel, ça a été une révolution. 9 jours plus tôt, à la faculté de Nanterre, à la suite de l'agitation de groupes d'étudiants, les cours avaient été suspendus, ce qui équivalait à une fermeture. Elle court les manifestations, alors il faut imaginer Camille courant dans les CRS, au mois d'août, née notre deuxième enfant, qui est ta maman. À mon avis, des manifs de mai 68, il est resté quelque chose dans le caractère de ta mère. Jeudi soir, j'aurais dû aller boire un verre avec une amie. Message reçu jeudi 12 avril à 20h49. Coucou, c'est la... Je te réponds que maintenant, j'ai plus de batterie et j'ai dû attraper un chargeur. Bah, là, il s'avère qu'en fait, on occupe la Sorbonne, simplement, quoi. Et donc je peux pas sortir. Et a priori, toutes les études sont fermées, donc je vais pas rater ça. Désolée de te prévenir que maintenant, je te fais un bisou et je suis en courant. A priori, hein. Allez. Il y a eu une AG lundi, je crois, ou mardi, à Tolbiac, donc qui est le centre névralgique de la mobilisation étudiante parisienne. Et donc les AG sont toujours archi pleines depuis quelques semaines. Et là, on devait être, je pense, l'amphi N était rempli, donc 1000-1500 personnes. Et donc on avait... On a voté une AG interfac à la Sorbonne le mercredi à 16h pour qu'il y ait un dialogue entre toutes les facs qui commencent à bloquer parce que P3 commence à bloquer alors que ça n'a jamais été bloqué. Clignancourt, qui est de P4, qui n'a jamais été historiquement bloqué ni même occupé, est occupé. Et ils ont une image de fac de droite et c'est le fait. Elle s'est créée en réaction littéralement à P1 pendant mai 68, donc tu vois le niveau. Etc. etc. Donc Nanterre avec les occupations qui se font taire, etc. etc. Ils ont commencé à dire donc on voulait vraiment une espèce de discussion entre chacune des facs, donc on avait pensé à stager interfac. Et donc littéralement, tous les étudiants qui ont accès à la Sorbonne, qu'ils soient en L1 ou en doctorat, donc en thèse, ont le droit d'entrer dans la Sorbonne. Et sauf qu'il s'avère qu'à la Sorbonne, matériellement et pragmatiquement, ceux qui y vont, c'est à partir de la L3. Parce que sinon, tu as été excentré dans les centres comme Tolbiac, Clignancourt, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait le faire mercredi. Ça s'est pas organisé parce que Tolbiac était évacué et menacé d'évacuation et par conséquent on a préféré décaler d'un jour. Et donc on ne s'attendait pas à une aussi grande réception dans les AG de fac ou même sur internet de stagiaires interfac. Donc je crois qu'on était à plus de 1000 intéressés ou participants, ce qui est quand même assez énorme pour un événement. Et donc voilà, donc on a redécalé ça à jeudi. Donc jeudi, à partir de 15h, il commençait déjà à y avoir un peu de monde qui se rassemblait dans la cour, mais avec le quart d'heure gauchiste et tout, on savait très bien que ça allait prendre du temps. Et il y avait quand même un RG qui était présent, donc les renseignements généraux de chez les keufs qui étaient présents littéralement dans la Sorbonne et qui regardaient ce qui se passait. La sécurité était vraiment attaquée. Et depuis le début de la journée, il y avait des CRS autour. Ça, après, c'est assez quotidien depuis quelques semaines où ils sont présents et bloquent la fac et toujours avec leur fusil ou leur matraque et qui n'hésitent pas à attraper des gens et les fouiller sans aucune raison un peu tout le temps pour maintenir une stratégie de la tension. Donc là, ce qui se passait, c'est que tout autour, il y avait déjà des CRS depuis toute la journée puisque l'information est forcément passée à l'administration. toute la journée, un coup, on ouvrait qu'une entrée, il n'y avait qu'une seule sortie, alors qu'il y a quatre entrées sorties à la Sorbonne, et ça changeait pratiquement toutes les demi-heures. Un coup, c'était Victor Cousin, un coup, c'était Cujas, un coup, c'était la Sorbonne, etc., etc. Et donc après, ça s'est focalisé sur ouverture place de la, rue de la Sorbonne, donc là où tout le monde s'est rassemblé, etc., etc., et sortie rue Victor Cousin, il me semble. Donc ils sont vraiment à deux opposés. Et donc ça commence à se masser, etc., etc. Il y a des gens qui sont littéralement expulsés pour aucune raison dans la fac. Donc on a entendu une camarade nous expliquer que une de ses amies est partie aux toilettes pendant un cours, donc elle avait rien sur elle. Elle s'est fait virer la fac, et donc elle a pas sa carte d'étudiant, donc elle a pas pu rentrer en fait. Donc elle avait ses affaires dans son cours, elle était en cours, donc littéralement, et elle a pas pu revenir. Donc c'est sa pote qui a dû chercher sa carte étudiante et aller la chercher. Donc voilà, et donc, y avait vraiment une pression du côté de l'administration, de peur en vrai d'une occupation, parce que c'est plusieurs fois qu'ils ferment administrativement la fac dès qu'il y a un rassemblement proche, ou alors les CRS qui bloquent pour vraiment pas qu'on l'occupe. Donc il y a vraiment une peur de ça, et en même temps ils peuvent pas bloquer tout le temps. Donc voilà, et tout le monde commence à s'amasser dans la cour d'honneur. On commence à débuter un peu l'AG, on est à peu près 600, quelque chose comme ça, on commence à discuter, etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte que les L1 et L2, qui pourtant ont accès, puisque c'est leur fac, ils sont à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ils sont à P4, ils sont à P3, etc., etc., ont été refusés d'entrer, pour aucune raison, par la sécurité. Et en fait, les CRS sont positionnés devant les portes, donc ils pouvaient plus du tout, ils ont fermé la rue de la Sorbonne, enfin l'entrée de la rue de la Sorbonne. Et donc voilà, donc à partir dans ce moment-là, tout le monde a dit bah, non, nous on commence pas à lâcher tant qu'il n'y a pas les 250 camarades qui sont dehors pour aucune raison, ils ne peuvent pas y rentrer. Elle n'aurait pas de légitimité et pourquoi ils seront bloqués. Voilà, donc à partir de là, on commence à réfléchir, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on se déplace tous, donc les 600 personnes à Venay, hein, je sais pas combien, il y en a beaucoup qu'on mouvait, etc., etc., vers l'entrée rue de la Sorbonne pour négocier, pour parler avec la Sécu, pour parler avec le RG, pour voir est-ce que vous pouvez les faire rentrer, enfin c'est quand même leur fac. Refus, ou alors ils nous baladent en nous disant oui, on est en train d'appeler, vous en faites pas, donc ils jouent un peu la montre, etc. Donc arrive un moment, on fait écoutez, si vous voulez toujours rien faire, nous ce qu'on va faire, on va aborder l'Isée à Sorbonne. Donc on a fait une manif sauvage à 600 personnes dans la Sorbonne. Donc il y a des photos qui tournent où tu vois, genre littéralement des galeries entières qui sont pleines de gens qui gueulent au mégaphone, la sélection c'est dégueulasse, etc., etc. Donc on a fait tout le tour de la Sorbonne, on est revenu, ça n'a rien changé malgré le fait qu'on est complètement bordélisé, on s'est juste rendu compte qu'en fait ils commençaient à évacuer les gens qui avaient cours. Et que les gens qui avaient cours genre à 17h, 18h n'avaient plus accès à la Sorbonne. Donc en fait il y a eu une expulsion de tous les gens, il ne restait plus que nous. Et donc ce qui se passait, c'est qu'on a commencé à hésiter, donc on a pris de force un amphi, donc l'amphi Richelieu, qui est l'amphi historique auquel on a accès, qui a une magnifique fresque, je pourrais plus te dire qui fait 600 places et qui est le grand amphi quand il y a des conférences, etc., etc. Hormis le grand amphi, enfin dont le nom est le grand amphi, qui est là, est réservé à l'administration, et c'est là où Macron parle, c'est là où Vidal parle, etc., qui est là 1000 places et qui est du côté du rectorat, donc on n'y a pas accès en tant qu'étudiant, et donc qui est réservé à des soirées, qui est loué, etc. Donc c'est le grand amphi des étudiants. Et donc voilà, donc on commence à le prendre, on se pose dedans, on remplit l'amphi littéralement. Donc là, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Est-ce qu'on essaie de commencer l'AG, etc. Donc il y a un débat qui se fait autour de ça, tout le monde n'est pas d'accord quelle position prendre. En général, ce sont des gens qui sont déjà mobilisés. Il y a très peu de gens qui n'étaient pas au courant de la loi ou qui n'étaient pas au courant de qu'est-ce qu'un blocage, qu'est-ce qu'une occupation, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'une interfac. Donc voilà, donc, ce qu'on a décidé, c'est de vider cet amphi, d'aller faire pression encore et de se masser dans la cour d'honneur et en fait dans les étages qui peuvent dialoguer et qui ont vu sur la rue de la Sorbonne. Parce qu'on a toujours les camarades là-bas qui commencent à s'impatienter parce que ça commence à faire une demi-heure, une heure qu'ils sont là, quoi. Et voilà, et puis en plus de ça, il y a les CRS qui continuent cette ambiance un peu angoissante de on a des CRS devant nous, quoi. Et voilà, donc à partir de là, on commence à continuer à discuter avec, avec la sécu, etc. On commence à faire du bruit, on commence à discuter entre nous de comment, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc il y a un moment un peu de stagnation, on ne sait pas trop quoi faire, on réfléchit, on commence à prendre plusieurs... toute l'aile en fait, les gens se superposent à chaque étage, donc il y a trois étages dans cette aile-là qui donne sur la rue de la Sorbonne, on dialogue avec les gens d'en bas, on lance des slogans, etc. etc. Il y en a même qui ont lancé un peu des seaux d'eau sur les CRS, et ça s'est vite fait calmer parce qu'on voulait pas de tension avec les gens qui étaient en bas pour pas qu'ils se fassent gazer, même, malgré que ça arrive un peu plus tard. Et donc voilà. Et donc à partir de là, le temps passe, on commence à voir le directeur du cabinet du rectorat qui vient avec un sourire narquois, avec vraiment le cliché du mec qui nous regarde de haut et qui nous fait des gestes un peu paternalistes où tout le monde gueule. Enfin, donc 600 personnes gueulent tout ensemble en disant oui, bah si, il se passe rien, on occupe. Et le mec fait « Ah, comment, j'ai pas entendu ?» Et donc voilà quoi. Donc vraiment dans cette dynamique un peu méprisante. Et qui nous fait « Oui, oui, vous en faites pas, je suis en train de dialoguer avec le recteur, on va voir, on va essayer de trouver un terrain d'entente. » Donc voilà, donc il commence à nous balader comme ça pendant un bon moment. Donc on commence à tous se joindre dans le premier étage de Stella, donc qui est l'étage plutôt filou. Et donc on commence à réfléchir, on commence à créer des petits comités, parce que l'idée de l'occupation en fait vient naturellement et de manière unanime. Donc en général, quand il y a une AG, tout le monde n'est pas d'accord sur... Puis l'occupation, c'est une action un peu violente. Qui est très mal vu, etc. Déjà un blocage où tout le monde en a un peu peur, mais alors une occupation c'est pire encore. Et là tout le monde est unanime, les 250 personnes, parce qu'au fil du temps, il y a plus 600 personnes, il y en a qui sont parties, qui en a marre d'attendre sous la flotte pendant une heure et demie pour rien, etc. etc. Donc les moins déterres, les moins intéressés, ou ceux qui avaient juste des impératifs sont partis. Donc il y avait 250 personnes qui unanimement ont dit bah, on va occuper si jamais il laisse pas rentrer nos camarades. Le but c'est de faire une AG interfac, on a toute légitimité à la faire. Il n'y a aucune raison pour qu'ils refusent à des gens de rentrer dans leur propre fac. Le recteur commence à demander une délégation de quelques personnes pour aller discuter avec eux. Il est fait attendre, je pense, une heure et demie, deux heures. Après j'ai plus trop notion des heures exactes parce que la soirée passait tellement vite et il y avait tellement de choses en même temps que c'est pas très clair. Voilà, donc la délégation, au bout d'un moment, discute avec eux, avec lui. Il est balade en disant que non, de toute façon, il fera jamais rentrer les personnes, alors que c'est leur fac. Enfin, ils ont toute légitimité à y rentrer, mais non, ils refusent. Et que si jamais on décide d'occuper, en 20 minutes, les CRS nous expulsent. Donc la délégation revient, on en discute un peu, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va leur dire. Ils doivent re-rencontrer le recteur un peu plus tard. Et donc voilà, quoi. Ils doivent le re-rencontrer à 21h30, pour être précise. On avait essayé de gagner un peu de temps en lui disant qu'en gros, ben, on voulait continuer l'AG en dialoguant à travers les fenêtres, avec les gens dehors et les gens intérieurs, et qu'en gros, on se laissait jusqu'à 22h. Et la délégation devait y retourner à 21h30. Et voilà, donc il commence à... Il y a une sorte de d'ambiance folle qui se fait, de diffusion d'idées, de commissions qui se créent, des commissions médias où les gens appellent, on se retrouve avec 60 numéros de journalistes, où on n'a même pas le temps de répondre à tout le monde. J'ai eu au téléphone genre le rédacteur en chef de BFM, tout le monde a un côté Libé, un côté Luma, enfin, c'est une effusion incroyable où les gens sont en attente d'informations en fait, de ce qui se passe à l'intérieur. On a BFM dehors, on entend le soutien, après j'étais à l'intérieur donc je me suis pas rendu compte de ce que c'était l'extérieur. Mais on a tout le soutien dehors qui ne cesse de grandir en fait. À la base ils étaient 250, après toute la rue de la Sorbonne est pleine et qui gueulent des slogans et qui sont en attente et qui sont limite plus déter et plus en colère que nous. Donc on avait besoin de cette légitimité, de se dire bah, eux peuvent pas rentrer donc c'est à nous de faire cette action. Donc le recteur nous baladait encore un bon moment. Donc arrivé, je pense, 19h30, on dit que si dans un quart d'heure on n'a pas de réponse du recteur, à ce moment-là la délégation n'avait pas encore parlé avec lui puisqu'il nous baladait, si on n'avait pas de réponse du recteur, on occupait officiellement. Donc il avait 15 minutes pour donner un choix, enfin pour donner une réponse, une proposition, qu'elle soit bonne ou mauvaise quoi. Et il a pas du tout répondu aux 15 minutes. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 19h45, on était dans une occupation officielle. Même si depuis 16h on était présents, on n'avait pas le droit puisqu'ils avaient évacué partout. Et donc il y a une sorte de solidarité extraordinaire qui joue avec l'extérieur, parce qu'on avait tous faim en fait, puisque depuis 16h on était dehors, en général il y avait des gens qui n'avaient pas mangé, et il arrivait 20h, on commençait à crever un peu la dalle, et s'il y a une occupation, bah, sans vivre, tu tiens pas une occupation. Et donc voilà. Et donc les gens dehors commencent à nous jeter par les fenêtres. Je sais pas combien il y a de hauteur quoi. Mais on s'amuse à les rattraper. Et donc il y a une ambiance de ouf et tout le monde applaudit dès qu'on arrive à attraper un bout de brioche ou du pain d'épices quoi. Et donc voilà, donc on commence à faire tourner une caisse de grève pour qu'en bas, on leur fasse descendre l'argent et qu'ils aillent acheter pour nous de la nourriture. Et donc voilà, donc on continue à recevoir des choses de notre côté. On commence à faire des votes sur qu'est-ce que c'est nos revendications, qu'est-ce qu'on demande, comment on s'organise s'il y a une évacuation, etc. On commence à réfléchir à tout ça. Et t'as même une commission champ qui s'organise. Parce qu'on voulait faire une chanson sur ce qui se passe, donc en gros c'était un couplet le soutien d'en bas, un couplet le nôtre, un refrain, et etc. On en fait une chanson en dialoguant avec eux pour essayer de maintenir le lien en fait. T'as des commissions sécurité qui réfléchissent à comment, t'as des tentatives de barricades qui se font, mais on décide que c'est pas la meilleure idée pour pas créer de tension parce qu'on savait qu'on serait évacué quoi qu'il en soit. Et donc là, donc, t'as toute une effusion, et puis enfin vraiment, je crois que le truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le fait que toute la bouffe qui remonte en fait, on était. Il y avait un mur qui nous séparait, des portes, des CRS, et pour autant il y avait un dialogue qui se faisait, pour autant il y avait de la bouffe qui montait, et vraiment des cartons entiers de bouffe. Et c'était extraordinaire, et vraiment ils ont pensé en tout quoi, aux lingettes, aux bières, aux tampons, à vraiment à manger du houmous, du tzatziki. Bon, tu voyais que t'étais dans le quartier latin parce que c'était un peu bobo, tu vois, mais t'as du café qui remonte, les profs de philo nous donnent leur cafetière. Enfin vraiment, il y avait un truc où quelque chose de complètement naturel, dans une ambiance extrêmement bon enfant, on chante des slogans, on chante des chansons, Bella Ciao, l'international, tout le temps, quoi. Et je sais pas, il y a un sort de truc hors du temps qui est exceptionnel, qui se passe depuis le CPE, depuis 2006, qui est la dernière mobilisation énorme étudiante, et même générale, qui a occupé la Sorbonne, quoi. Ça fait 12 ans que ça s'est jamais passé, et nous on le refait, même si c'est que le temps de 6 heures, parce qu'on a occupé donc entre 16h et 22h, mais pour autant c'est extraordinaire, c'est un coup de force quoi. Et surtout que c'est eux qui nous ont imposé d'occuper, parce qu'ils ont refusé de faire entrer des étudiants à l'intérieur alors qu'ils ont le droit. Donc c'est eux, dans leur dynamique autoritaire de refus et de peur de l'occupation, qui nous forcent à occuper. Donc on a toute légitimité à le faire. T'avais cet espace hors du temps qui se développe. Donc t'as toujours d'un côté quelqu'un qui essaie d'organiser un automédia, donc l'automédia de Tobiac, qui prend des vidéos, qui veut faire une conférence, on a des journalistes au téléphone, on envoie des photos, tout le monde prend des photos, on discute d'un côté, on commence à parler sécurité, on note sur le tableau tous les avocats à avoir. Si tu finis en garde à vue, il faut toujours en connaître au moins un. On se répète les trucs, t'as un fumoir qui se crée, on essaie d'être sérieux sur le fait qu'il n'y a aucune dégradation qui est possible, donc de faire vraiment attention, de ne pas fumer à l'intérieur, etc. Un truc très studio en même temps, et vraiment intelligemment pensé quoi. Chaque salle était organisée, parce qu'il y avait 3 salles de ce côté-là. Enfin voilà quoi. Et donc voilà, donc il y a toujours ce soutien qui ne cesse de s'agrandir, donc au moment je pense que ça s'est calmé un peu, sauf qu'il y avait des tensions aussi en bas, et c'est vrai c'était un peu plus déterré. Ils ouvrent les portes. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Approchez-vous des portes. Avancez. Mais qui était un peu vénère. On avait des infos comme quoi en fait de toute façon ils avaient aucun ordre, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait un soutien ou quoi que ce soit, donc ils avaient aucun ordre de la hiérarchie de nasser, de gazer ou quoi que ce soit. Donc ils étaient juste dans la haine de pouvoir rien faire en fait, dans une sorte d'attente un peu nulle. Donc voilà, donc il y a aussi plein de rumeurs d'évacuation, de CRS qui seraient déjà à l'intérieur, comme ça se fait dans toute occupation, dans tout mouvement, t'as toujours des rumeurs un peu à la con. Des gens qui disent que de toute façon non, ça sera jamais évacué parce que c'est l'aile de Paris 1, donc ça dépend de la date, ça dépend du recteur, etc. etc. Donc tout un fourmillement de millions de pensées, de millions d'actions, de 250 cerveaux qui se réunissent pour quelque chose et qui font quelque chose de spontané, qui est pertinent et qui est un coup de force historique. Donc, le temps passe, on est ouvertement arrivé à un moment, donc le recteur... Il est temps pour la délégation de retourner vers le recteur et d'annoncer officiellement l'occupation. Il nous avait dit que clairement, donc, si on occupait, on avait les CRS en 20 minutes. On a toute la délégation revient. Ils reviennent, il est 21h35, je pense. Et donc voilà, donc ils nous disent que le recteur envoie les CRS, on a théoriquement on avait 20 minutes. Puisque c'était le délai, il nous disait qu'en gros en 20 minutes les CRS seraient là. Donc soit on sortait chacun de notre côté, s'il y avait des gens qui voulaient rentrer, qui étaient inquiets qu'il y ait des CRS ou qui avaient tel ou tel souci avec la justice et qui voulaient pas se faire toper pour une garde à vue, ou même des gens qui avaient peur d'un malaise, etc. Il y a une fille qui a fait un malaise, une crise d'angoisse, etc. Pendant qu'il y avait les CRS ou... Pendant qu'il y avait les CRS en fait. Et donc, en fait, on n'a même pas eu le temps, il y a juste quelqu'un qui a pris une inter pour dire non, bah, on reste tous unis, s'il y en a qui veulent partir, allez-y, mais qu'on ne commence pas à se disséminer dans plein de petits endroits, et qu'on a fait un coup de force pendant 6 heures, on tient jusqu'au bout, et de toute façon, la masse fera que ce sera plus sécurisant pour nous. Et voilà, donc on a même pas eu le temps de finir cette inter qu'ils arrivent. Donc ça veut dire qu'on est dans une salle, on est 200 dans une salle de cours où il y a, normalement c'est des cours à 50 places. Et t'as des CRS qui arrivent avec des boucliers énormissimes. Des casques, et en plus qui portent leurs casques quoi. On avait peur aussi de se faire gazer à l'intérieur. Et enfin c'est ultra oppressant de se dire que déjà de se faire gazer la gueule c'est violent, mais en plus si on est dans un espace clos on en avait vraiment peur aussi. Donc tout le monde porte son foulard, enfin moi personnellement j'avais un foulard dans les cheveux, je l'ai vite mis autour de mon visage. Donc voilà, donc tout le monde est en mode de, serrez-vous les coudes et de toute façon on tiendra. C'est-à-dire qu'à l'instant même où ils sont arrivés, on leur a même pas laissé le temps ou l'espace de parler, on a commencé à faire des slogans. Pendant une demi-heure, donc ce qui est une évacuation longue puisque c'était qu'une salle, alors en comparaison à Talbia que pendant le travail ils ont vidé un amphi en 15 minutes. Et il y avait des gens beaucoup plus déter qui étaient beaucoup plus dans l'opposition et dans la confrontation avec les CRS, parce que nous on était vraiment dans une démarche pacifiste. Donc pendant une demi-heure, donc ils ont vraiment eu du mal à rentrer en fait dans la salle de cours, parce que c'était des tables fixes. Et on avait déplacé toutes les chaises, on les a mis au fond, puisqu'on voulait avoir de l'espace en fait. Et pas se retrouver les pieds coincés dans une chaise à se faire traîner par un CRS. Donc voilà, donc ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans la salle. Ils ont dû, au bout d'un moment, vu qu'ils ont vu que les chaises étaient au fond, ils ont balancé les chaises, ils ont cassé les chaises pour prendre de l'espace. Et donc ils ont réussi à nous nasser contre les deux murs et en fait petit à petit à resserrer les taux. C'est-à-dire que quand t'es 200 personnes dans une salle, je me rends pas compte, ça devait faire un 15 mètres carrés quoi. Petit à petit, ils suppriment cet espace où vraiment tu te sens dans un étau étouffé, où t'as du mal à respirer, etc. Et qu'en plus de ça, à l'extérieur, vous êtes fait gazer, on avait les fenêtres un peu ouvertes, on a commencé à avoir du gaz à l'intérieur, on était tous très inquiets. Et on a quand même continué à faire des slogans, à chanter, à faire la sélection c'est dégueulasse, c'est pour vos gosses qu'on fait ça, etc. Et ça, sans arrêt, on a chanté Bella Ciao à un moment. Et donc voilà, et donc il y a un CRS qui a commencé à sortir sa matraque, tout le monde gueule. Même ses chefs de derrière l'ont calmé en nous disant que non. À partir de ce moment-là, on a tous levé les bras en disant étudiants pacifistes, pour montrer à quel point on voulait pas du tout de violence, on voulait se faire expulser. Enfin, on savait qu'on allait se faire expulser, on voulait pas se faire expulser, mais on savait qu'on allait se faire expulser, mais on voulait pas non plus prendre des coups de matraque dans la gueule. Et donc voilà, donc en fait ce qui se passe c'est qu'on savait pas trop à quoi s'attendre, comment ils allaient expulser 200 personnes. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris un par un les personnes, donc à 3-4, à les arracher de manière ultra violente à toute la masse qu'on était, à tous nos slogans, mais hyper violemment quoi, à les jeter l'un contre, à les jeter sur chacun des boucliers, à les jeter sur chacun des murs en fait. Et une personne, deux personnes, trois personnes, au début on était inquiets, on pensait qu'ils prenaient des gens pour les mettre en garde à vue et les arrêter en fait. Donc on savait pas trop comment ça allait se faire et donc ils commençaient à refaire les taux du côté du fond de la salle. Donc on était tous massés vraiment, mais 200 personnes dans un espace mini quoi. Et ils arrachaient ces personnes une par une quoi. Il y a eu des remarques extrêmement choquantes, voir un mec qui a fait laisse-toi faire chouchou, donc qui est assez sexiste, assez critique avec mes remarques. Il y en a d'autres qui ont sorti des matraques encore, des coups de bouclier gratuits. J'ai vu des personnes racisées être quand même bousculées beaucoup plus que d'autres. Et donc voilà, et donc encore cette violence de tirer les gens et de les jeter contre les boucliers quoi. Et donc moi-même j'étais dans les dernières, dans le coin en fait, je me suis pris un coup de bouclier et même les CRS qui étaient au fond demandaient d'arrêter de nous jeter sur eux parce que eux-mêmes ça les déstabilisait. Et donc vraiment on s'est fait traîner, il y a des gens qui se sont fait traîner, mais dans une violence absolue. Donc arrivé un moment quand ils ont réussi à faire sortir les 200 personnes, on sortait dans les couloirs, donc ils avaient bloqué toutes les couloirs. Donc c'est-à-dire que tu vois ta fac dans lequel tu passes tes journées, dans lequel tu as des habitudes, dans lequel tu as tes cours, et tu vois des mecs en bouclier avec leur sourire à la con narquois, et qui sont le symbole de toutes les répressions qu'on peut voir depuis le début du mouvement, et qui nous regardent descendre et qui nous bloquent, et qui en plus de ça nous poussent, continuent à nous bousculer, alors qu'on était en train de marcher simplement pour sortir, qui continuent à nous bousculer et à avoir des remarques hyper, hyper déplacées. Quoi. Et donc tout ça, donc on se fait enfin sortir, en continuant à faire des slogans et tous un peu choqués de ce qui vient de se passer, quoi, parce que de se faire pousser contre des boucliers et se prendre des coups de casque, ou voir un de nos camarades qui a failli se prendre un coup de matraque, ou même une fille qui s'est fait attraper le visage par un CRS, c'est-à-dire qu'il a mis la main sur son visage, quoi, juste dans une stratégie d'intimidation, en fait. Et donc voilà, donc on est tous un peu choqués de ça, parce qu'en plus, ça, en général, c'est pas forcément des gens qui étaient dans une démarche... Enfin, c'était pas des gens que tu retrouves, genre ce qu'on pourrait appeler les casseurs, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, quoi. C'était pas des totos vénères, ni quoi que ce soit, tu vois. C'était genre des étudiants qui se mobilisent contre une loi, et qui se retrouvent à se faire évacuer violemment, alors qu'on était en train d'occuper une salle pour une raison légitime. Occuper, c'est pas légal, certes, mais on occupait pour une raison légitime, et on se fait tège de manière ultra violente, quoi, alors qu'on était dans une ambiance trop mignonne à base de café, de hummus, de tzatziki et de chants un peu gauchistes, quoi. Et donc voilà, quoi. Et donc après, on arrivait enfin hors de la Sorbonne. Il commence à faire, ouais, on les a enfin dégagés, les 200, c'était les dernières, avec beaucoup de fierté dans ses voix, quoi. Je vois pas encore la fierté que tu peux avoir à tes des étudiants qui ont des convictions politiques et qui essaient d'avoir une vision du monde égalitariste. Debout, soulève-toi, Sorbonne, debout, soulève-toi, Sorbonne, debout, soulève-toi. Et donc on commence à sortir dehors et on s'attroupe un peu et en fait ils nous nassent. Alors que si vous nassez, nous stagnez, autant nous laisser à l'intérieur de Sorbonne, quoi. Et donc voilà, donc on attend, on ne sait pas quoi faire, on essaie de voir si tout le monde va bien. Ils nous ont gardé notre mégaphone, ils ont attrapé la caméra d'un de nos camarades qui était à l'automédia de Tolbiac. Il y a un ami qui a laissé son sac à l'intérieur, donc il se retrouvait sans téléphone, sans argent, sans clé, sans quoi que ce soit, son sac était encore à l'intérieur, quoi. La bouffe était encore à l'intérieur, enfin voilà, quoi. On s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied parce que ça a été très rapide, en fait. En 5 minutes, on a dû s'organiser avec beaucoup d'immé. Donc on a même pas eu le temps de récupérer nos affaires, quoi. Et donc voilà, donc on sort, et puis on sait pas trop quoi faire puisqu'on se fait nasser, on sait pas combien de temps on va se faire nasser, il y a le soutien qui est à l'autre bout et eux sont aussi bloqués, donc en fait il y a aucune discussion qui peut se faire entre les deux groupes parce qu'ils sont scissionnés en deux, quoi. Donc on attend, on sait pas trop quoi faire, il y a des gens qui commencent à danser, on refait des slogans, on crie à libérer la nourriture, enfin voilà, quoi. Et dans une ambiance toujours aussi bon enfant, quoi, il y avait vraiment des gens qui dansaient devant et c'était super sympa, quoi. Et donc voilà, donc après, je pense que tu le remettras en montage. Mais donc oui, il y a bien une fille qui a fait une crise d'angoisse pendant l'expulsion, qui a eu extrêmement peur, donc qui s'est mise à pleurer, etc., etc., etc. Et donc voilà, donc j'ai pas suivi exactement ce qui s'est passé, mais à quel point c'était violent, quoi, pour que quelqu'un déclenche une crise d'angoisse, c'est quand même qu'il y a une atmosphère vraiment flippante, quoi. Et puis même, on suffoquait tellement à l'intérieur que les casques, ils ont dû soulever leurs casques déjà, étaient trempés de sueur, quoi. Mais vraiment, il y avait de l'eau qui coulait, quoi. C'était pas juste deux trois buées. J'ai essayé de voir si j'ai tout dit à peu près. Oui, pendant le rassemblement, au début, il y avait la cocarde, l'Action française, etc., qui était présente. Parce qu'il y a pas mal de listes à Paris d'extrême droite qui étaient présents pour nous intimider, pour prendre des photos, alors qu'on demande tout le temps de ne pas prendre des photos. Parce que c'est quoi, quand tu reconnais un visage, t'es fiché comme un extrémiste gauchiste marxisant. Et c'est-à-dire qu'on a des camarades qui se sont retrouvés à se faire agresser, à se faire harceler. Il y a quelqu'un qui s'est fait agresser devant son travail, parce qu'en fait, il y a une photo d'elle qui a tourné. Fait cramer, donc ils l'ont suivi, etc. Donc c'est pour ça qu'on insiste toujours sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de photos, et donc la cocarde, ça fait un grand plaisir de filmer tout le monde, quoi. Les CRS aussi filment. Oui, les CRS filment assez souvent pour nos fichiers. Et donc, on attend la NAS, qui dure pas très longtemps, ils commencent à nous dire, deux par deux, et puis on répond, on n'est pas en CP, écoutez, on va pas faire ça en rampe, deux par deux, et puis au final, on accepte, parce que ça faisait déjà un moment, et tout le monde était un peu fatigué et un peu remué de ses émotions. Donc voilà, donc on sort doucement, ils commençaient à vouloir nous renasser, en fait, parce qu'on stagnait, en fait, vu qu'on attendait les gens qui n'étaient pas encore sortis, on stagnait de l'autre côté de la NAS. Donc ils commencent à vouloir nous renasser, nous forcer à partir. Et donc voilà quoi. Et donc naturellement l'idée d'aller à Tolbiac s'est faite parce qu'il y a une peur de l'évacuation depuis que Tolbiac est sous la tutelle du préfet depuis mardi, il me semble. Mais donc voilà quoi. Donc après naturellement on a pas mal décalé à Tolbiac. Après je pense qu'il y en a qui voulaient rentrer et qui étaient peut-être. Enfin il y avait aussi des gens qui étaient de P3, de P4, qui étaient de. Je crois qu'il y avait des gens de l'EHESS. Il me semble qu'il y avait même un doctorat, etc. Donc il n'y avait pas ce côté un peu affectif à Tolbiac. Donc on y allait quand même. Et donc Tolbiac, au final, ils étaient à plus de 1000, il y avait encore la fanfare et tout allait bien, quoi. Il y avait des fumées rouges, c'était extraordinaire sur la butte. Nous 3000 CRS et gardes mobiles avaient pris place au quartier latin. L'escalade était engagée, une semaine impitoyable commençait. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent. Le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée. Ce que je peux vraiment garder de cette occupation qui a peut-être duré que 6 heures. Mais déjà, c'est un coup de force. Ça s'est pas fait depuis 12 ans et c'est énorme, quoi. C'est peut-être 6 heures, ça paraît minable, hein. Mais occuper la Sorbonne, alors que c'est un bunker, c'est ce qu'on entend tout le temps, que dès lors qu'il y a un peu de peur de quoi que ce soit, ils évacuent, ils bloquent, qu'il y avait des CRS autour. Et pourtant, on a occupé de manière bon enfant, avec de la nourriture, en fusant d'idées, en fusant de tentatives de contacter les médias. Et tous ensemble, on a créé un espace vraiment hors du temps où. Pendant 6 heures, on a fait un coup de force à Macron qui, juste avant, disait que, pendant son allocution à 13h à TF1, disait qu'il y a très peu de facs qui étaient mobilisés, très peu de facs qui étaient occupés. Je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels, hein, les professionnels du désordre dont parlait Michel Audiard. Donc, les professionnels du désordre, ils doivent comprendre que nous sommes dans un état d'ordre. Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. La preuve est que nous, on peut prendre la Sorbonne et que toutes les facs qui sont sorbonnardes, peuvent prendre cette Sorbonne. Et que non, la mobilisation, elle n'est pas du tout morte, elle n'est pas du tout inexistante. Les mouvements sociaux, ils existent et ils ne sont pas juste en réaction à une réforme comme il y en aurait tout le temps. C'est juste qu'il y a une réelle critique de la réforme qui se fait et que si eux montent le niveau à chaque fois. Évacuant, en agressant, en mettant en garde à vue des camarades, par exemple à Nanterre, ou quant à Lille, ce sont des CRS qui sécurisent les partiels et qui gazent avant d'aller en partiel. Mais nous, on peut aussi monter d'un cran et prendre le haut lieu de tout ce qui est historique, le haut lieu de 68, et que la FEC, en fait, elle est à nous, elle n'est pas du tout ni à l'administration, ni au CRS, ni à l'État, quoi. Elle est aux étudiants qui la font. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit dans tous les traités juridiques sur le code de l'éducation, c'est que l'éducation doit être faite pour les étudiants. Donc on a vraiment réussi à récupérer notre fac et à prouver que c'est notre vision de la fac qui est plus importante qu'une vision un peu lunaire qui sort de n'importe où et qui se base sur rien du tout, ni historiquement, ni sociologiquement, ni socialement, ni politiquement. qu'on sait ce que c'est la fac, on sait ses problèmes et on sait aussi ses qualités. Donc il faut entendre notre voix plus que celle d'un mec qui est à faire utile. Les manifestants sont décidés à ne pas céder le terrain avant d'avoir obtenu satisfaction.